Wa connaître na toxi wa connaître ti koube ki la kaive you yo zo tant ta femme tant ta femme tant ta femme I en coupe mes vieux coups de cal. Moi en tu m'as quand en balle les bordels. Ma Kevin fait du sale, foutait tout ça dedans. Il dit ça fait mal comme un jour avant. Il t'es qu'à parler en dit de chambre, il t'es qu'à héler. Moi dis les VDB moutés, ma cabine fait bordel. Dis joncté. Fais bordel, dis joncté. Fais crier papa bon Dieu. Joncté. Fais bordel, dis joncté. Fais crier papa bon Dieu. Pété. Fais quelqu'un li pété. Oui, mais. Fais bon dans ça, oui, mais marqué pété ça. Combal, marqué foué de coup de cal. Prêt courir à dans sa vanne. Et puis veiller l'hôpital. Qu'on dit yozo. Joncté. Fais bordel, dis joncté. Joncté. Fais crier papa bon Dieu. Joncté. Fais bordel, dis joncté. Joncté. Fais crier papa bon Dieu. On y bon pas, femme toucher les peaux. Kaké te parle, les mots, c'est belto. Bah, moi, un t-shirt, fou, moi, becto. Si ou chabine, manquez mateau. Manquez quoiseau. Pas même quitter, moi, t'es béchivo. Parce que si moi-même, t'es béchivo. Manquez venir pour faire où. Dis joncté. Pépé ça, pété. Et mes femmes à goûter. N'a toxique à fait joncté. Joncté, fais mon dor du joncté. Joncté. Fais crier papa bon Dieu. Joncté. Fais bordel, dis joncté. Joncté. Fais crier papa bon Dieu. Joncté. Fais bordel, dis joncté. Joncté. Fais crier papa bon Dieu. Joncté. Kaive you, si koube ki la. Yo zo, tant sa femme.